Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une pensée émue et amicale avant tout à Adèle Vendrette qui sera de retour la semaine prochaine à ce micro. Pour l'heure, nous continuons notre philosophie du corps humain et aujourd'hui, l'utérus. Le mot hystérie vient du mot grec hystéron, signifiant utérus. Encore aujourd'hui, les médecins pensent que cette affection n'existe que chez la femme, quand toutefois, ils veulent bien admettre son existence. Bonjour madame, vous avez vu cette malade? Une véritable hystérique! Ça vous ennuie madame que je vous demande d'être témoin? Ma femme est une hystérique. On va se dire, oh là là, le pauvre, avec sa bonne femme hystérique qui lui fait des scènes. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'as tes règles ou quoi? Non, j'ai pas mes règles, justement, tu vois. Back into that good, good old uterus. Back into the hood, that good old uterus. Cause those were the days, in that good old. Bonjour Clotilde Le Guil. Bonjour Géraldine Mosna-Savoie. Vous êtes professeure au département de psychanalyse de Paris 8 Saint-Denis, philosophe et psychanalyste de l'école de la cause freudienne. Alors je ne sais pas si vous avez compris ce qui était chanté à l'instant dans cette chanson d'Elephant. C'est une chanson trouvée par notre réalisatrice Laurence Malonda et on y entend en fait « Good old uterus », ce bon vieil utérus et elle dit « Take me back, take me back ». Première question qu'on peut vous poser sur l'utérus, est-ce que finalement ce bon vieil utérus, c'est un petit peu le lieu qu'on regrette tous d'avoir quitté? Oui, en effet, c'est vrai que c'est bien de commencer par dire que c'est la matrice de la vie et que finalement cette expérience de la naissance est considérée par Freud comme le premier traumatisme vécu par chacun. Enfin, il reprend là une thèse de son confrère Otto Rang qui a écrit sur le traumatisme de la naissance et il a des très belles pages à la fin de Inhibition symptômes angoisse justement pour dire que finalement cette première rencontre avec la vie, elle est en même temps aussi de l'ordre d'un traumatisme parce que l'enfant passe d'un milieu à un autre, il passe de ce milieu aquatique la poche amniotique à cette air qu'il va respirer pour la première fois et là qu'on dira aussi finalement que que la naissance ce n'est pas seulement un événement physiologique et je pense qu'on en parlera aussi et l'accouchement non plus d'ailleurs mais c'est aussi la naissance au monde de l'autre et la respiration finalement de l'air de l'autre que l'enfant découvre lorsqu'il quitte en effet ce lieu originel. Alors l'utérus, on l'a entendu, c'est quand même le lieu de la maternité. Alors hélas, en philosophie, on parle très peu quand même de maternité, d'accouchement. Mais l'utérus aussi, en fait, c'est tous les clichés qu'on y accole et qu'on a entendus. Hystérique, t'as tes règles. Alors ça n'était pas dans les extraits, dans ce petit mix offert par notre réalisatrice Laurence Malonda. Mais il y a aussi l'idée quand même d'être mal baisée. C'est-à-dire une femme hystérique, c'est une femme colérique, mal baisée. D'ailleurs, on parle souvent de femme hystérique plutôt que d'homme hystérique. Alors qu'on va le voir là-dessus, il y a parité. On peut le dire. Mais pourquoi, en fait, l'utérus est à la fois ce lieu regretté, mais aussi cette source de tous les maux et d'un ensemble de clichés sexistes encore présents? C'est vrai, oui. Alors, vous commenciez par dire que on parle très peu de la maternité en philosophie. On peut dire qu'on parle assez peu aussi de la féminité, finalement, en fait, que la question de l'être sexué n'est pas une question, en tout cas, de la tradition philosophique. C'est en train de changer aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce n'est pas une question de la tradition philosophique et que on doit vraiment chercher des textes qui sont souvent méconnus pour trouver des interprétations du corps sexué dans la philosophie. Alors, sur cette approche très dévalorisante du corps des femmes et de cette l'affection de l'hystérie, on peut dire quand même, pour commencer, que c'est justement ce que Freud a fait voler en éclats, puisque Freud va montrer que la névrose hystérique, en fait, justement, est une, enfin, n'a plus rien à voir avec disons avec l'organisme lui-même, mais justement, il va s'intéresser chez une femme à des symptômes qui se présentent comme des symptômes organiques, mais qui en vérité renvoie à toute autre chose et renvoie à des traumatismes psychiques inconscients. Et donc finalement, il va plutôt, avec Breuer, en tout cas dans les premiers... Qui est Breuer ? Joseph Breuer, donc, qui était le confrère de Freud, avec qui, en fait, d'ailleurs, Freud lui attribue même d'avoir mis au monde la psychanalyse. Hein, il considère que ce n'est même pas lui qui a mis au monde la psychanalyse, mais que c'est Breuer, parce que c'est lui qui l'a mis sur la voie de la découverte de l'inconscient et d'une nouvelle interprétation de l'hystérie. Et donc, ce que je disais, c'est donc que justement, la psychanalyse a redonné une dignité finalement à ce symptôme de l'hystérie, en montrant que il n'était pas à corréler à une sorte de, disons, d'anatomie, d'assujettissement particulier des femmes à leur corps, alors que les hommes, eux, pourraient s'en libérer pour penser. Non, il a montré justement que finalement on pouvait se détacher de cette référence organique et voir dans ces symptômes finalement quelque chose de l'ordre d'une parole qui n'avait pu être dite, d'une parole qui avait été tue, et finalement quelque chose d'une trace d'un traumatisme psychique. Alors on va pouvoir revenir en détail là-dessus, Clotilde Gill, mais en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce qu'il reste de l'utérus dans l'hystérie, c'est pas si flagrant que ça, ou en fait, la vraie question à poser, c'est que reste-t-il de l'utérus dans l'hystérie telle qu'elle a été exploitée après par la psychanalyse ? Oui, on pourrait dire que d'une certaine façon, Freud a coupé le cordon ombilical avec cette référence organique, c'est-à-dire pour la névrose hystérique n'a rien à voir pour Freud avec l'hystérie, si ce n'est que... Avec l'hystérie, vous voulez dire avec l'utérus. Ah oui, c'est ça, avec l'hystérie au sens au sens de son origine étymologique et de la façon dont les médecins grecs de l'Antiquité abordaient l'hystérie, c'est-à-dire comme une affection qui avait à voir avec un organe propre aux femmes, avec un organe génital propre aux femmes. Mais donc effectivement, Freud a détaché les symptômes hystériques de cette référence anatomique à l'utérus comme organe, mais il faut quand même dire que ce qu'il a gardé, c'est quand même l'idée que ces symptômes ont à voir avec le corps tout de même. C'est pourquoi peut-être on a conservé quand même ce terme d'hystérie. Ces symptômes ont à voir avec ce que Freud a appelé une conversion somatique. Donc il y a quand même quelque chose qui s'exprime dans le corps. Voilà. Mais il faut saisir aussi que le corps, pour la psychanalyse, le corps pour Freud, ce n'est pas le corps de l'organisme, ce n'est pas le corps de la médecine, c'est le corps libidinal, c'est le corps qui est investi de jouissance, de pulsion, de libido. Hein, et finalement, quelque chose du désir peut passer lorsque le désir est refoulé, peut passer par une expression somatique, c'est-à-dire par une affection qui se présente comme venant du corps, mais dont la cause n'est pas organique, mais psychique. Et c'est cette nouvelle articulation, en fait, qui a été découverte par Freud, qui sera reprise aussi par Lacan. C'est l'idée d'une causalité psychique, mais qui, mystérieusement, parce que ça reste quand même un mystère, hein, va se manifester dans le corps. Alors, je vous propose, Clotilde Le Guil, qu'on retourne quand même aux sources, c'est-à-dire avant Freud, avant Lacan, qui vous tiennent à cœur. Mais quand même, voilà, il y a eu Platon, et pour Platon, eh bien, l'utérus, c'était ça. Parmi ceux qui sont nés mâles, tous ceux qui ont été lâches et qui ont mené une vie injuste ont été transformés en femmes à la seconde naissance. Et c'est à cette époque que les dieux ont constitué le désir de la copulation. Lorsque chez les femmes, ce qu'on appelle la matrice ou l'utérus, et qui est un être vivant possédé du désir de faire des enfants, est demeuré stérile longtemps après avoir dépassé l'âge propice, alors cet organe s'impatiente. Il supporte mal cet état. Et parce qu'il se met à errer de par tout le corps, qu'il obstrue les orifices par où sort l'air inspiré et qu'il empêche la respiration, il jette le corps dans les pires extrémités et provoque d'autres maladies de toutes sortes, jusqu'à ce que l'appétit et le désir de chacun des deux sexes les amènent à s'unir, cueillent un fruit, comme on cueille à des arbres, sèment dans la matrice, comme dans une terre labourée, des vivants invisibles du fait de leur petitesse et encore informe, puis les différencient et les fassent croître et grandir en elles, pour enfin les faire sortir à la lumière et achever la génération des vivants. Voilà donc comment sont nées les femmes et tout le sexe féminin. Alors je suis particulièrement, bon, je ne sais pas comment le dire, fan de ce texte. Donc c'est un extrait du Timée de Platon, c'est le paragraphe 91. Alors cette idée de l'utérus comme d'un petit être vivant possédé du désir de faire des enfants qui en fait s'impatiente, supporte mal cet état et se met à errer de partout, il produit tout un tas de complications pour les femmes. Je dois dire que c'est une image qui me fascine. J'imagine vraiment un être me traverser en ce moment même assoiffé de sperme. C'est vraiment bizarre comme image quand même, ce texte. Et je trouve malgré tout que c'est un texte qui à la fois est bizarre et en même temps et nous semble étranger et en même temps semble quand même pétrir nos inconscients sur la sexualité, sur une femme qui devrait avoir des enfants, un homme qui lui serait en attente justement de fournir la semence à ses femmes. Est-ce que ce que dit Platon, qui semble un peu fou, a quand même une sorte de résistance et de permanence dans nos inconscients sur la sexualité? D'abord, merci d'avoir déniché ce texte, parce que j'ai quand même aussi beaucoup étudié Platon pendant mes études de philosophie, et pourtant j'ai étudié le Timée, mais jamais je n'avais repéré ce texte, c'est-à-dire que souvent, en effet, on rejette vraiment aux marges de la philosophie tout ce qui concerne le corps des femmes, la sexuation. Donc c'est intéressant, en effet, de voir comment est-ce que Platon concevait le corps des femmes, et en particulier ici, le désir d'enfanter, parce que c'est un texte sur le désir d'enfanter. Alors moi, ce que je trouve, c'est pas tant question de sexualité que de procréation, de c'est génération. Ça. Voilà, c'est sur le désir d'enfantement, et on sait que le thème de l'enfantement est quand même au cœur de la philosophie platonicienne. Donc c'est intéressant de voir comment il le pense du côté féminin. Peut-être que, quand même, je rappellerai qu'il dit un petit peu avant dans le dialogue du Timée que côté homme, il y a aussi finalement un désir vivace d'émission. Hein. Donc en fait, là, il essaye de penser la conjonction charnelle, ça a été traduit comme ça. Et son idée, c'est que ce désir d'enfanter est un désir qui est insufflé par les dieux, aussi bien finalement côté femme que côté homme. Bon. Sur cette approche du corps féminin, avec cette idée que l'utérus serait une sorte d'animal d'animal affamé qui réclamerait d'être enfanté, c'est intéressant parce que c'est paradigmatique de l'approche du corps féminin dans l'Antiquité. Et si l'on en croit l'historien Thomas Laker, historien américain de Berkeley, qui a beaucoup travaillé sur... Donc un historien contemporain américain qui a beaucoup travaillé sur les interprétations du corps féminin finalement avant la psychanalyse jusqu'à Freud et Lacan, eh bien on apprend que effectivement le corps féminin, c'est le corps qui constitue un mystère, qui fait mystère depuis l'Antiquité. Ce n'est pas le corps masculin. Le corps masculin est apparu, en tout cas dans les théories de l'Antiquité, comme un corps dont on pouvait saisir, en quelque sorte, le fonctionnement, on pouvait saisir la logique, et qui incarnait même, du point de vue téléologique, la finalité du corps humain, alors que le corps féminin, on ne savait pas comment l'interpréter, avec ses organes, finalement, à l'intérieur, ses organes invisibles et mystérieux. Comment interpréter le corps féminin, aussi bien le désir féminin que le plaisir féminin, d'ailleurs. Oui, c'est ça, que cette question que je voulais vous poser aussi, Clotilde Guille, sur le fait que l'utérus, c'est vraiment l'organe féminin caché. C'est ça. Qu'on ne voit pas, qui est invisible aux autres, souvent même à celle qui est mère, qui a accouché, ou qui a ses règles, ou l'utérus est parfois une partie de son corps assez mystérieuse, invisible, inexplicable. Et finalement, en fait, cette invisibilité, est-ce que c'est ça qui a conduit aussi à non pas penser ou ne pas penser l'utérus, mais plutôt à trop vouloir le penser. En fait, à le fabriquer, en fait, à en faire une sorte de construction un petit peu mythique avec, que ce soit parce que c'est un petit être qui bouge, ou à en faire la source de névrose ou de trauma. Pourquoi en fait cet organe invisible est devenu finalement en fait la source des maux qui traversent les corps? C'est-à-dire que s'il y a l'utérus qui est invisible, mais finalement c'est tous les organes génitaux féminins qui sont invisibles, les ovaires aussi sont invisibles. Donc il y a, disons que ce que je dirais, c'est que le corps féminin constitue un mystère au niveau de son interprétation déjà anatomique du fait de cette invisibilité des organes. Et juste pour revenir à ce que montre Thomas Lacœur et ce que j'ai appris aussi en le lisant, c'est qu'il montre finalement comment est-ce que jusqu'au XVIIIe siècle, c'est quand même très tard, on a pensé finalement que le corps féminin avec ses organes à l'intérieur était un corps humain inachevé, finalement, qu'il était à penser à partir du paradigme du corps mâle, mais simplement comme un corps qui n'aurait pas pu se développer. Mais qui serait resté comme rentré à l'intérieur. Qui serait resté, voilà, rentré à l'intérieur. Donc il y a eu toujours finalement cet intérêt pour ce qui se passe à l'intérieur de ce corps qu'on ne voit pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que Lacœur montre que même la naissance de l'anatomie, en fait, n'a pas suffi finalement à lever ce mystère, puisqu'on a continué à concevoir cette anatomie comme une inversion à l'intérieur finalement des organes masculins. Et donc il a fallu, le XVIIIe siècle, il a fallu sortir d'une certaine vision téléologique et théologique pour approcher le corps féminin dans toute sa différence. C'est-à-dire pour montrer que le corps féminin n'avait plus en quelque sorte à être comparé au corps masculin, mais qu'il s'y passait tout autre chose, que le corps féminin était incommensurable au corps masculin. Et c'est important parce que c'est justement le moment où a commencé à se disjoindre la question de la fécondité et de la génération et la question de l'orgasme et de la jouissance féminine. Parce qu'il faut quand même avoir en tête le fait que jusqu'au XVIIIe siècle, on pouvait encore penser que si une femme tombait enceinte, c'est qu'elle était consentante, c'est-à-dire c'est qu'elle en avait eu le désir et notamment et qu'elle a pu aussi en jouir. Voilà, et notamment dans les cas de juridiction de viol, on considérait que si la femme était tombée enceinte suite à un viol, c'est finalement qu'elle l'avait désiré et que qu'elle son en corps avait y avait consenti. C'est ça, voilà. Donc, si vous voulez, on voit à quel point finalement le corps féminin a constitué un mystère et à quel point la question de la jouissance féminine est d'emblée un mystère et qu'au départ on l'a réduite finalement à une corrélation avec l'enfantement et ce décrochage en fait qui se produit au XVIIIe siècle et qui va conduire finalement la psychanalyse, Freud et Lacan à aborder finalement vraiment cette disjonction entre la jouissance et la question de la procréation va totalement changer l'approche aussi de la féminité. Alors, de quelle manière ça a changé cette approche précisément? C'est-à-dire que vous nous dites, Clotilde Guil, qu'à partir du XVIIIe siècle se produit quand même une différenciation, une spécificité du sexe féminin, de l'utérus en particulier. Celui-ci n'est pas que l'organe de la procréation, mais c'est aussi en fait lié aux organes génitaux qui procurent du plaisir. Mais cette dissociation-là et cette spécification-là du sexe féminin, qu'est-ce qu'il a changé en fait dans cette appréhension du corps féminin ? Ce qui change radicalement, c'est que dès lors que l'orgasme féminin n'est plus lié directement à la procréation ou à la fécondité, même s'il peut l'être, mais il n'est plus corrélé physiologiquement en tout cas à la fécondité, eh bien il devient un mystère, c'est-à-dire que ça implique de penser tout autrement de quoi un sujet féminin jouit, s'il ne jouit pas que de la maternité ou de l'enfantement. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce corps féminin qui échappe finalement au destin de la maternité parce qu'il y a une autre jouissance qui pourrait surgir sans être corrélée à la question de la procréation? La jouissance de l'autre. Jouissance pour l'homme de la supposée femme, et inversement pour la femme que nous n'avons pas à supposer, puisque la femme n'existe pas, mais pour une femme, par contre, l'homme qui, lui, tout est hélas, il est même intense, phallique, pour cette jouissance de l'autre parasexué qui n'existe pas, ne pourrait, ne saurait même exister que par l'intermédiaire de la parole. De la parole d'amour notamment. Cette jouissance de l'autre, c'est là que se produit ce qui montre qu'autant la jouissance phallique est hors corps, autant la jouissance de l'autre est hors langage, hors symbolique. Car c'est uniquement à partir de là que nous avons accès au réel. Vous écoutez France Culture, vous venez d'entendre la voix de Lacan qui nous parle de jouissance. En compagnie, nous sommes aujourd'hui de Clotilde Le Guil, philosophe et psychanalyste. Vous allez nous éclairer, car nous parlons aujourd'hui d'utérus, vous allez nous éclairer sur cette archive de Lacan qui définit, en fait, distingue deux types de jouissance. Une jouissance qui est hors corps et une jouissance qui est hors langage. Alors, est-ce que c'est une jouissance qui est typiquement féminine, celle qui est hors corps ou hors langage, ou alors est-ce la jouissance phallique, donc la jouissance dite plutôt masculine? Et est-ce que vraiment c'est l'utérus qui nous conduit à produire cette distinction entre deux types de jouissance? Beaucoup de questions, Clotilde. Oui, beaucoup de questions. Alors, c'est un passage qui est assez merveilleux, qui est très riche. C'est une archive de 1974, je ne l'ai pas dit. Voilà, à Rome. À Rome, c'est ça. C'est la conférence, la troisième, je crois. D'abord, peut-être qu'il faut commencer par faire une distinction, finalement. Que Lacan a proposé, qu'il a essayé de faire, mais qu'il a proposé à la fin de toute son élaboration de la psychanalyse, une distinction là qui est aussi son invention à lui, c'est-à-dire sa façon à lui de penser la féminité. C'est une distinction entre deux modalités de jouissance. La jouissance qu'il appelle phallique, qui est liée au phallus, et à l'organe lui-même, mais au-delà aussi à tout ce que symboliquement le phallus peut incarner, et une autre jouissance qu'il appelle féminine. Alors, ce qui commence déjà par rendre les choses complexes, c'est qu'il commence par définir la jouissance phallique comme hors corps. Donc déjà, c'est un petit peu difficile à entendre. Alors qu'on a précisément l'impression que la jouissance phallique est complètement corporelle. Oui, mais en même temps, déjà l'organe même du pénis est en quelque sorte comme un organe qui est visiblement exposé, détaché du corps, mais il apparaît comme un morceau qui peut être représenté et délimité et presque détaché du corps. Bon. Ça, c'est une première chose. Mais il y a aussi, finalement, quand Lacan parle de jouissance phallique, il ne réserve pas, il faut pas trop, disons, anatomiser ce que dit Lacan. Quand Lacan parle de jouissance phallique, il considère que c'est une modalité de jouissance qui peut aussi bien concerner un être qui est anatomiquement féminin. Hein. Donc ça n'est pas une question, on va dire, de sexe. La jouissance n'est pas une question de sexe, même si c'est si tout part de l'utérus, puisque c'est notre sujet du jour, on peut quand même distinguer le fait de jouir d'une assise anatomique, et on peut effectivement distinguer le fait de jouir, on va dire, de manière féminine, telle que l'entend Lacan, du fait d'avoir un utérus. Donc ça, c'est intéressant déjà, parce qu'en fait, la manière de jouir, qui pourrait être genrée, féminine ou masculine, ne tient pas pour autant à une forme de sexuation. Oui, enfin, tout de même, il y a quand même quelque chose qui s'enracine dans la sexuation, mais la sexuation en tant qu'elle est subjectivée, non pas en tant qu'elle est un déterminisme anatomique. Mmh. Et donc, lorsque Lacan parle de jouissance phallique et qu'il indique aussi le fait que ça peut concerner une femme, c'est-à-dire qu'un sujet féminin peut aussi jouir du phallus, aussi bien du phallus d'un homme dans l'acte sexuel, dans la rencontre des corps, que du phallus symboliquement par une certaine position symbolique, une certaine identification phallique, ou que ce soit une identification virile, ou simplement par un rapport à ce qui symbolise le désir. Voilà. Mais ce que Lacan montre, c'est que cette jouissance n'est pas toute la jouissance. C'est-à-dire qu'il existe, et là ça trouble beaucoup, parce qu'il existe peut-être une modalité de jouissance qui n'en passe pas par le phallus, qui n'en a pas besoin. Bon. Et là, ce qui ouvre des champs, ça ouvre des champs, c'est-à-dire qu'il n'en a pas besoin, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien au niveau concret de l'organe lui-même qu'au niveau métaphorique, au niveau symbolique, à la fois au niveau réel et au niveau symbolique et au niveau imaginaire. Et donc cette autre jouissance, c'est ce que Lacan appelle la jouissance féminine. Et vous voyez que finalement, il revisite totalement la distinction qu'on trouve chez Freud, par exemple, entre la jouissance clitoridienne et la jouissance vaginale. En fait, pour Lacan, ça ne se réduit pas, si vous voulez, à cette référence anatomique entre deux endroits du corps féminin. Justement, Lacan dit avec ironie « jouissance prétendument vaginale » pour indiquer que ça a été une façon de parler, en fait, d'une jouissance autre. Parce que pour Lacan, la jouissance phallique, c'est aussi la jouissance clitoridienne. Donc cette jouissance autre, Lacan la définit à partir, vous avez entendu dans l'extrait, à partir de la parole. C'est intéressant, à partir de la parole. Oui, d'ailleurs, vous venez de dire, Clotilde Le Guil, et j'allais vous lancer là-dessus, que quand on parle de jouissance vaginale, en fait, c'est une manière de parler. Manière de parler, en fait. Donc finalement, la jouissance est une question aussi de langage, c'est ça. C'est ça. Alors, disons que, en tout cas, dans cette distinction des deux jouissances, on peut réduire cette distinction à des zones anatomiques du corps, et c'est parfois ainsi qu'on a lu Freud, mais à mon avis c'est un peu réducteur, même si effectivement Freud parle de ce passage de la jouissance clitoridienne à la jouissance vaginale. Mais là, Lacan indique finalement que un sujet féminin peut jouir d'autre chose. Et il dit, il peut jouir de la parole. C'est-à-dire que la parole a aussi un effet sur le corps. Vous voyez bien que là, il ne s'agit plus du corps comme anatomie, mais il s'agit du corps comme pouvant vibrer à certaines paroles, pouvant éprouver un émoi. Et finalement, cet effet de la parole dans le corps, qui correspond pour Lacan à une jouissance, a à voir aussi avec ce qu'il appelle le réel. C'est pour ça qu'il emploie ce terme de réel. C'est-à-dire que ce n'est plus une jouissance à laquelle on peut donner un sens. On ne peut pas dire finalement ce qu'elle veut dire. On ne peut pas dire que c'est un désir d'enfanter. On ne peut pas dire que c'est un désir de dominer. On ne peut pas dire ce que ça veut dire, mais c'est une expérience finalement d'une forme de dessaisissement de soi-même et une forme d'émoi éprouvé dans le corps du fait de certaines secousses provoquées par les paroles. Votre fille a grand besoin qu'on l'aide. Il faut lui dire la vérité. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et il est indispensable qu'elle se rappelle tout. Je suis au courant de ce qui s'est passé, je dirai tout à Marnie. Ah non, vous direz pas tout parce que vous ne connaissez pas toute l'histoire. D'ailleurs, il n'y a personne excepté moi. Eh bien, étant donné que vous êtes si informée, Madame Edgar, est-ce que vous savez aussi que votre fille, votre jeune et ravissante fille, ne peut pas supporter qu'un homme s'approche d'elle ? Même moi ! Elle ne sait pas pourquoi, mais vous le savez. J'ai fait faire une enquête ici. J'ai lu les comptes rendus complets de votre procès pour meurtre. Il y est dit en termes non équivoques que vous gagniez votre vie en laissant les hommes vous approcher. Et c'est un de vos clients que vous avez tué cette nuit-là. Y avait-il aussi un orage cette nuit-là, Madame Edgar ? C'est pour ça que Marnie est terrifiée par l'orage, peut-être. Sortez, allez-vous, sortez ! Mais lâchez ma maman ! Vous entendez ? Qui suis-je, Marnie ? Vous êtes un de ces hommes en uniforme blanc ! C'est toi, Marnie ! Qu'est-ce qui se passe ensuite, Marnie ? S'approche tout près de moi. Ton grand copain de la marine sera là toute la nuit. Donc une raison de pleurer. Fais-le partir, maman. Je veux pas qu'il m'embrasse. Maman, donne-lui de partir, maman. Sors, tu vas sortir. Sors d'ici, maman. Marnie ? Je l'ai frappé avec le tisanier. Il a saigné. Là, c'est fini. On vient d'entendre Clotilde Le Guil, un extrait de Pas de printemps pour Marnie, le film d'Alfred Hitchcock de 1964. Alors là, on a un exemple parfait du langage, alors peut-être pas sous forme de jouissance, mais en tout cas du langage qui va traduire, faire résonner toutes ces secousses à travers le corps. Donc Marnie est une femme qui a peur du rouge, qui a peur de la tempête, qui a peur des uniformes, qui n'ose pas être approchée par son propre compagnon. Et on voit que tout ça s'enracine dans un trauma originel. Alors, j'hésite à spoiler ou pas les auditeurs sur ce film. Je ne dis rien. Non. Elle a vécu un trauma. Et donc là, on l'entend revivre, ce trauma. Et finalement, on se rend compte aussi que le lien entre l'utérus, parce qu'on parle quand même de ça aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça n'est pas tant que la source des mots, mais qu'en fait, l'utérus, la manière dont il est travaillé en psychanalyse, est aussi en fait la source de ce qui traverse les corps. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'un lieu de jouissance, un lieu qui traverse, un lieu non localisable, c'est aussi un lieu non localisable de secousses, de souvenirs, de traumas. C'est ça. À la fin du film Pas de printemps pour Marnie d'Hitchcock, finalement, l'extrait que vous avez passé, qui est donc la dernière scène du film, la scène du dénouement, eh bien, on peut dire qu'on a affaire à un accouchement au sens symbolique, hein, l'accouchement par le sujet Marnie, par cette jeune femme hystérique, l'accouchement de son propre traumatisme, de ce qu'elle n'avait jamais pu dire. Et cet accouchement peut avoir lieu parce qu'elle est aussi en présence de Marc, en présence de celui qui va s'intéresser à ses symptômes, en présence de celui qui va tenter de la déchiffrer, alors qu'elle-même reste un mystère pour elle-même. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que Hitchcock a très bien saisi finalement aussi ce que Freud entendait par hystérie. Il a très bien saisi ce qu'était le désir qui a été à la naissance de la psychanalyse, qui a permis la naissance de la psychanalyse, qui est en fait représenté par ce personnage de Marnie qui est un mystère pour chacun. Elle est un mystère pour elle-même puisqu'elle ne parle pas. C'est un personnage qui fuit, en fait. C'est un personnage kleptomane, si vous vous souvenez. Donc, elle passe d'emploi en emploi et après avoir commis des vols, elle disparaît et elle change d'identité. Donc c'est aussi un personnage, finalement, qui a perdu son identité symboliquement et je crois qu'une des premières images du film, c'est Marnie sur le quai de la gare, dans son tailleur avec son petit sac à main, mais de dos. Et on peut dire que Marnie, c'est un personnage féminin qui tourne le dos à sa propre identité, qui tourne le dos à sa vie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est finalement cette dimension de mystère qui quand même nous détache là de la référence directe à l'utérus, justement, mais qui montre que en fait, les symptômes hystériques sont des symptômes qui se présentent comme énigmatiques, qui se présentent énigmatiques pour le sujet. Effectivement, vous les avez rappelés, il y a un symptôme de phobie du rouge, il y a un symptôme d'effroi par rapport à la tempête, et puis il y a aussi un symptôme de fuite devant les hommes, de fuite par rapport à elle-même. Et donc, il faut qu'elle fasse une rencontre qui ressemble un peu à la rencontre qu'on peut faire avec un psychanalyste, mais aussi à la rencontre amoureuse. Il faut qu'elle fasse une rencontre d'un autre qui lui permette finalement de ne plus reculer devant ses symptômes, qui ne la juge pas pour ses symptômes, qui ne la traite pas en effet d'hystérique, qui ne considère pas que c'est une femme qui est simplement en proie à une crise qui aurait une causalité organique, mais qui s'intéresse à ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qui s'intéresse à son histoire. Et il faut finalement remonter à ce traumatisme originel qu'on ne va pas spoiler, effectivement, si certains auditeurs n'ont pas vu le film, parce que c'est un très beau film. Même si on a donné à entendre quand même le dénouement, donc normalement, on a tout donné. Voilà. Mais tout n'est pas déchiffrable comme ça. Il faut revenir, finalement, sur le lieu du traumatisme originel. Dans le film, c'est montré à travers un retour sur les lieux réels de la scène traumatique, mais on peut l'entendre en psychanalyse comme un retour sur les lieux psychiques inconscients de la scène traumatique, pour que quelque chose puisse venir enfin à se dire, pour que Marnie puisse enfin accoucher d'elle-même. Alors dans le texte de Freud, 5 leçons sur la psychanalyse, il dit ceci, il dit non seulement les hystériques et autres névrosés se souviennent d'événements douloureux passés depuis longtemps, mais ils y sont encore affectivement attachés. Il ne se libère pas du passé et néglige pour lui la réalité et le présent. Alors quel est le rapport entre l'hystérique, quel qu'il soit, homme, femme, et l'utérus. Qu'est-ce qu'il reste de l'utérus dans l'hystérie? Qu'est-ce qu'il reste de l'utérus dans le trauma de Marnie? Qu'est-ce qu'il reste de l'utérus dans la jouissance telle qu'on en a parlé? Alors, vous voyez que dans ce que vous venez de rappeler de ce texte de Freud qui est tiré des 5 leçons sur la psychanalyse, que Freud justement détache l'hystérie d'une affection organique et qu'il la définit à partir d'un certain lien au passé, qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire, pourquoi c'est un lien intéressant, c'est que c'est pas seulement un lien au passé au sens d'une nostalgie, mais c'est un lien à un passé que le sujet, finalement, ne parvient pas lui-même à formuler. C'est-à-dire que le sujet hystérique, c'est là où ça va permettre la découverte de l'inconscient, ne sait pas qu'il est attaché à un passé qui a tellement marqué, finalement, son corps, c'est là où quand même le corps est en jeu, mais son corps libidinal, qu'il ne parvient plus à avancer dans la vie. Et donc Freud décrit les hystériques comme des êtres qui souffrent, moi j'aime bien cette formule parce que ça fait référence aussi à la philosophie et on va retrouver Platon, des êtres qui souffrent de réminiscences. Et ces réminiscences, ce ne sont pas seulement des souvenirs au sens conscient, au sens de la mémoire que nous avons et qui peut nous permettre de retrouver des souvenirs. Ces réminiscences sont des retours justement dans le corps. C'est pourquoi on conserve quand même cette référence à l'hystérie et au sens de l'utérus. Ce sont des retours dans le corps de souvenirs qui sont oubliés, auxquels le sujet n'a pas accès, mais qui ne sont pas perdus. Ils sont oubliés, mais ils sont restés quelque part. Et où est-ce qu'ils sont restés? Eh bien, ils sont restés dans le corps. Et finalement, ces symptômes hystériques sont presque une chance pour le sujet, à condition de rencontrer la psychanalyse, parce que justement, ils vont lui permettre d'accéder à cette part refoulée qui finalement continue de faire destin pour le sujet, tant que le sujet ne parvient pas à les interpréter. C'est comme un petit peu des rêves ou des lapsus, ou comme la Madeleine de Proust, finalement, l'utérus. C'est ce lieu qui se rappelle à nous par des formes de symptômes hystériques et qui nous permet de déchiffrer quelque chose qui nous aurait traversé. Oui, alors non pas l'utérus lui-même, mais l'hystérie en tant que c'est un mot qui fait référence en effet, oui, à l'utérus. Et je vais quand même donner un exemple, parce que Freud est tout à fait concret. Puisque vous avez passé tout à l'heure un extrait du film de John Huston, Freud, Passion secrète, justement, au tout début, qui est un film qui met en scène la découverte de la psychanalyse et qui met en scène les deux héros de cette découverte que sont Freud et Breuer. Je voudrais dire un mot du cas de Anna O, qui est un cas qui est le premier cas de la psychanalyse, qui était un cas de Joseph Breuer et que Freud évoque justement dans ce passage des 5 leçons sur la psychanalyse pour essayer d'expliquer aux Américains, puisqu'il s'agit de conférence qu'il fait aux États-Unis, il essaye d'expliquer aux Américains le sens de sa découverte de l'origine des symptômes hystériques. Et donc, Freud et Breuer ont pu découvrir l'origine des symptômes hystériques, c'est-à-dire leur origine psychique et leur origine traumatique, depuis l'intérêt qu'ils ont porté à une toute jeune femme de 21 ans. Donc Anao. Anao, une toute jeune femme de 21 ans, qui souffrait de symptômes qui auraient très bien pu décourager finalement les médecins qu'ils étaient au départ, puisque ces symptômes qui se manifestaient comme des troubles visuels, des paralysies, des dégoûts, une impossibilité de manger, une impossibilité de parler, des états d'absence, ces symptômes ne s'expliquaient par aucune cause organique. Et Freud rend hommage dans cette conférence aux États-Unis à Breuer, qui ne s'est pas détourné et qui a continué à s'intéresser à Anna O, en dépit du fait qu'il n'y avait aucune cause organique. C'est-à-dire qu'il n'a pas considéré que ces symptômes étaient de la simulation, ce qui aurait été finalement, disons, la façon la plus commune de fuir devant le mystère que représentaient ces symptômes. Ou de dire justement ce qu'on entend parfois par « c'est une hystérique ». C'est-à-dire de dire, en gros, c'est du jeu, c'est de la mise en scène. C'est une hystérique qui peut vouloir dire, avant la découverte de la psychanalyse, finalement, c'est une comédienne, c'est une simulatrice. Bon. Et finalement, à quoi ils sont intéressés? Quand même à quelque chose d'assez simple. Ils sont intéressés au moment où ces symptômes sont apparus et à ce qu'avait vécu cette jeune femme de 20 ans, cette jeune fille même. Et Anao avait vécu un des grands traumatismes d'une vie. Hein. Freud dit même dans l'interprétation des rêves que c'est le plus grand traumatisme d'une vie. Elle venait de perdre son père. Et avant de perdre son père, elle a veillé pendant plusieurs semaines son père mourant et elle était à son chevet. Et pendant qu'elle était à son chevet, elle a essayé de cacher la douleur qu'elle éprouvait. Elle a essayé de faire en sorte que son père ne voit pas que elle voyait qu'il allait mourir. Et donc, ils vont retrouver, si vous voulez, l'origine de ces symptômes à partir de ce qui s'est passé très précisément pour cette jeune fille au moment où elle veillait son père. Prenons un exemple, elle souffre de troubles visuels, elle voit flou, bon, alors qu'il n'y en a, il n'y a pas de cause organique. Et donc, lors d'une séance d'hypnose, elle va retrouver ce qui s'est produit et ce qui est lié à ce trouble visuel. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, elle se souvient qu'une fois, alors qu'elle veillait son père, les larmes lui montaient aux yeux. Et elle a voulu retenir ses larmes pour que son père ne voie pas qu'elle pleurait. Et elle a tenté de lire l'heure et son père lui demande quelle heure il est. Et elle ne peut pas lire l'heure tellement elle voit flou parce qu'elle a les yeux inondés de larmes. Et à partir du moment où elle a pu retrouver ce souvenir, et bien aussi mystérieux que cela semble, à partir du moment où elle a pu nommer ce qui lui est arrivé, le symptôme de trouble visuel disparaît. C'est fascinant parce que on voit bien que les symptômes hystériques dans le cas de Anao, enfin son hystérie, ne sont pas liés pour le coup à ce dont on traite quand même depuis le début de cette émission. Alors je ne parle pas que de l'utérus de manière anatomique, mais aussi avec la sexualité, avec le sexe. C'est-à-dire que là, il s'est produit un trauma qui n'a rien à voir a priori avec une forme de frustration sexuelle. Comme on l'associe souvent à l'hystérie, on en a déjà parlé. C'est-à-dire qu'on nie avec une forme d'appétit sexuel, ni avec la jouissance, mais juste en fait à un trauma. C'est ça. Alors, disons que les deux grandes rencontres traumatiques d'une vie sont quand même, on peut dire, la mort et le sexe. C'est quand même les deux rencontres réelles qui peuvent produire des traumas. Bon, parce que justement, il renvoie à une expérience qui n'est pas symbolisable et qui fait toujours effraction à certains égards, même si pour la sexualité, ça peut être dans le sens d'une jouissance qui ne fait pas nécessairement souffrir. Hein. Mais ce sont des expériences qui marquent et qui font événement, c'est-à-dire qu'il y a toujours un avant et un après, aussi bien pour la découverte de la sexualité que pour l'expérience de la perte d'un être cher et la rencontre de la mort. Et là, effectivement, pour le cas Anao, finalement, ça paraît aujourd'hui, ça nous paraît extrêmement simple de se dire qu'il fallait tout de même commencer par s'intéresser à ce que cette jeune fille avait vécu. Pour pouvoir comprendre d'où venait... Et lui donner la parole. C'est-à-dire que, vous savez que c'est Anao qui a baptisé la psychanalyse « Talking Cure », qui a dit à Breuer, ce que nous sommes en train de faire, docteur, c'est une talking cure. Parce que lorsqu'elle avait ses états d'absence, elle avait appris la langue anglaise, elle ne parlait plus en allemand, elle se mettait à parler anglais. C'est pourquoi elle baptise la psychanalyse talking cure. Et donc, ce qui est quand même très joli, c'est que finalement, il est quand même question aussi de donner la parole au sujet. C'est-à-dire que c'est le sujet lui-même qui souffre de réminiscence et il a fallu que Freud et Breuer aient finalement puissent endosser cette posture simplement d'être là pour apprendre des hystériques et non pas de chercher à plaquer sur les sujets hystériques, si vous voulez, une explication qui permettrait finalement de donner un sens à leurs symptômes. Donc ils n'ont pas eu peur de ne pas savoir, et Freud le dit d'ailleurs dans les 5 leçons sur la psychanalyse, il dit finalement c'est une position compliquée pour un médecin, parce qu'un médecin il est d'abord là finalement pour donner un diagnostic et pour donner un traitement. Or là il s'agissait justement finalement de laisser la patiente elle-même retrouver à travers ses réminiscences ce souvenir qui n'était pas perdu, mais qui s'était transformé en conversion somatique. Clotilde Guil, vous avez parlé de la mort, de la sexualité. J'aimerais rajouter à un troisième événement quand même de la vie, c'est l'accouchement. No con en empaonde. L'objet du chant est d'aider à un accouchement difficile. Il est d'un emploi relativement exceptionnel, puisque les femmes indigènes d'Amérique centrale et du Sud accouchent plus aisément que celles des sociétés occidentales. L'intervention du chaman est donc rare et elle se produit en cas d'échec, à la demande de la sage-femme. Le chant débute par un tableau du désarroi de cette dernière, décrit sa visite au chaman, le départ de celui-ci pour la hutte de la parturiente, son arrivée, ses préparatifs consistant en fumigation de fèves de cacao brûlées, invocation et confection des images sacrées. Ces images représentent les esprits protecteurs dont le chaman fait ses assistants et dont il prend la tête pour les emmener jusqu'au séjour de la puissance responsable de la formation du fœtus. L'accouchement difficile s'explique comme un détournement par l'âme de l'utérus de toutes les autres âmes des différentes parties du corps. Celle-ci, une fois libérée, l'autre peut et doit reprendre la collaboration. Le chaman ne touche pas au corps de la malade et ne lui administre pas de remède. Mais en même temps, il met directement et explicitement en cause l'état pathologique et son siège. Nous dirions volontiers que le chant constitue une manipulation psychologique de l'organe malade et que c'est de cette manipulation que la guérison est attendue. Vous écoutez France Culture et on vient d'entendre un extrait d'Anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss, interprété par la comédienne Elsa Le Poivre. Nous touchons presque à la fin de notre émission sur l'utérus avec vous, Clotilde Le Guil. Hélas, on arrive déjà au terme de ce parcours utérin, hystérique, de l'utérus. Et effectivement, l'accouchement, c'est un petit peu comme un trauma, ou comme le trauma, ou comme la jouissance. C'est quand même un des lieux qui touche en premier lieu l'utérus, mais parfois un événement qui est difficile à déchiffrer. Et dans ce texte de Claude Lévi-Strauss, on voit bien qu'entre déchiffrer des symptômes liés à l'hystérie, à l'utérus, à la manière psychanalytique, c'est aussi la même chose pour le chaman qui va accompagner une femme qui accouche à justement donner la vie. Oui, je suis contente qu'on termine l'émission sur ce texte, puisqu'on a commencé sur le traumatisme de la naissance en s'intéressant finalement au nouveau-né. Mais en effet, il faut aussi s'intéresser à ce qu'est l'expérience de l'accouchement pour une femme qui accouche. Et c'est une expérience qui est aussi de l'ordre d'un événement à la fois psychique et corporel. Ce n'est pas simplement un événement physiologique, hein. C'est aussi quelque chose de l'ordre d'un réel. Alors, ce texte de Lévi-Strauss, qui s'intitule « L'efficacité symbolique » est un texte qui a eu beaucoup d'importance pour Lacan et même qui a eu... Il est paru en 1958, je le précise. 1949, la première. Ah, 1949. Ouais, et c'est un texte, si vous voulez, qui a eu presque un effet de révélation pour Lacan. Pourquoi ? Parce que c'est un texte où Lévi-Strauss s'intéresse, comme on l'a entendu, à une cure chamanique, mais qui est une cure très singulière, parce qu'en effet, le chaman... apporte des mots à travers, en se référant à une mythologie commune pour permettre la descente du fœtus, la descente de l'enfant, et pour permettre l'accouchement, mais il ne touche pas le corps de la parturiente. Il ne touche pas. Et c'est simplement en nommant ce qui se passe, en se référant à la déesse Mu, qui est la déesse de la fécondité et qui symboliquement retiendrait en quelque sorte l'enfant. Et c'est en se référant à un mythe, simplement en nommant les choses, qu'il va pouvoir provoquer l'accouchement. Et à la fin de ce texte, Lévi-Strauss dit, mais finalement, cette cure chamanique, c'est Lévi-Strauss qui fait l'analogie avec la psychanalyse. Il dit, cette cure chamanique, eh bien, elle obéit à la même structure, si vous voulez, que la psychanalyse. C'est-à-dire qu'il s'agit de symboliser ce qui ne l'est pas. Il s'agit d'agir sur le corps à partir des mots. Mais la différence, c'est que dans la cure chamanique, on fait appel à un mythe qui est un mythe commun, qui est le mythe de la tribu des Indiens Cunha au Panama, alors que dans la psychanalyse, pour accoucher finalement de ce qui est resté refoulé, eh bien, il faut inventer ce mythe individuel individuel qui est propre à l'histoire de chacun. Et il nous reste quelques secondes, Clotilde Le Guil, mais j'aimerais quand même qu'on dise deux mots sur cette vague aussi de prise de parole de femmes qui ont vécu le harcèlement, qui ont été agressées et qui finalement témoignent aussi du fait qu'elles ont été dans une forme d'amnésie, comme si en fait le trauma avait été oublié. On parlait des souvenirs perdus. Et qui peut résonner avec le fait de faire advenir ces souvenirs, que ce soit par un mythe collectif ou par un mythe individuel. C'est-à-dire la définition du traumatisme psychique et sexuel depuis l'origine de la psychanalyse est immédiatement corrélée à l'amnésie, au vide et à l'indicible. C'est-à-dire que ce qui fait trauma ne peut pas se dire. Alors là, dans l'extrait que nous avons écouté qui porte sur un accouchement, il s'agit pas du traumatisme, mais il s'agit de faire advenir par les mots, la vie elle-même, c'est quand même ce qui est beau, et finalement c'est beau parce que c'est devenu pour Lacan la métaphore même de la psychanalyse, c'est-à-dire comment faire advenir la vie par les mots. Et dans la question du traumatisme psychique et sexuel auquel vous faites référence, finalement, il est question en effet de retrouver une voie d'accès à ce qui s'est produit dans le corps, à ce qui a fait traumatisme dans le corps et qui justement a condamné le sujet à une forme de silence. Merci beaucoup Clotilde Le Guil, vous avez dû vous dépêcher, je suis désolée. Je rappelle que de vous on peut lire Je, une traversée des identités, c'est aux éditions PUF, L'être et le genre, homme-femme après Lacan, toujours aux éditions PUF, Les amoureuses, voyage au bout de la féminité, aux éditions du Seuil, mais surtout qu'on pourra lire de vous demain, Céder n'est pas consentir, et ça sort aux éditions PUF. Grand merci à vous. Merci Géraldine. Donne-nous des fils, des soldats, des ouvriers, des savants. Donne-nous des filles, des cuisinières, des ouvrières, des mères. Dit la société. Moi ça me va, j'adore les enfants. Moi je ne m'occupe pas de la société. J'accouche, je fais un enfant. Moi non. Les femmes sont faites pour avoir des enfants quand même. Fais comme moi ma petite fille. Une femme qui n'a pas connu la maternité n'est pas une femme. La barbe ? Et les hommes qui n'ont pas connu la paternité, sont-ils des faux hommes ? Hystéria, puis aussi Réponse de femme d'Agnès Varda. C'est comme ça qu'on finit notre émission sur l'hystérie, sur l'utérus. Surtout, vous écoutez France Culture et c'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver Aurélien Bélanger pour sa chronique philo. Tu les aimes, tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Géraldine. Alors, est-ce qu'on doit dire le ou la Covid ? Et non, pas vous, pas maintenant, pas en 2021. S'il vous plaît, je vous entends presque vous désoler de la confondante ringardise de ma question. Et pourquoi pas un débat pour savoir si on dit du ou de la Nutella. Mais c'est comme ça, en France, quand on n'a rien à dire, on débat du génie, de la langue. Un débat plus pâteux que cette fameuse spécialité à la noisette que j'ai toujours trouvé assez infâme. Et je suis pourtant comme tout le monde. Mon enfance est pleine de noisetiers merveilleux dont je faisais, selon mon humeur, des cages, des cabanes ou les cabines d'une grue. En France, quand on n'a rien à dire, après le génie de la langue, on évoque ainsi le génie des lieux. Vous m'inquiétez Aurélien, n'auriez-vous rien à dire vous aussi ce matin ? Ben en fait, pas du tout. J'arrive au contraire avec un sujet de chronique si bon que je retarde le moment de me lancer vraiment enfin si bon, un peu cliché, ou plutôt sans fausse modestie, canonique, genre chronique pour chroniqueur, comme on dit qu'il y a des écrivains pour écrivains, une chronique qu'on enseignera un jour en école de journalisme. Le fameux jour où le chroniqueur n'avait rien à dire et continuait quand même, c'est ça ? Bah non, en fait, cette chronique-là, c'est Bec Bédé qui l'a fait. Non, nulle mise en abîme de mon délicat métier ce matin, promis, mais un combo, une chronique 100% génie français, moitié génie des lieux, moitié génie de la langue. Je marchais l'autre jour dans la neige gelée, et je me suis souvenu, en l'entendant croasser sous mes pas, de cette expression géniale, radio moquette. Radio moquette, c'est la version modernisée de l'expression bruit de couloir, mais concaténée en plus avec le génial, les murs ont des oreilles. Radio moquette, c'est bizarrement ce qui nous manque le plus en ces temps troublés du télétravail. Cela désigne l'informel, les rumeurs, l'ambiance générale de la vie de bureau. Radio moquette, cela peut aller jusqu'au frôlement dégoûtant et au bruit visqueux des machines à café, mais cela reste en général plutôt gris de ces rumeurs dont on voudrait tout savoir, mais qu'une fois le bureau quitté, on oublie complètement. Radio Moquette n'est pas un très bon média, mais c'est cela aussi qui fait son charme. Radio Moquette, c'est une allégorie de l'informel, cette divinité archaïque de l'époque aventureuse du présentiel. Je me souviens de l'avoir presque vue, cette Radio Moquette, en assistant à des réunions. Cela semble presque aussi étrange que ces représentations des toilettes publiques de Pompéi, des réunions où nous étions plus de 10 dans la pièce en même temps. Oui, en même temps. On sent poindre une certaine nostalgie, Aurélien. Eh bien, Radio Moquette, c'est un mot valise, et cette valise, on n'est pas certain de la réouvrir. On pense à ce genre de choses quand on ouvre son ordi et qu'on lance une réunion sur Zoom. Est-ce qu'on peut habiter à l'intérieur d'un mot ? Ça pourrait être ça, la véritable définition de la nostalgie. Il n'y a pas de retour possible à un état primitif. Il ne reste que le mot. L'invocation, je me souviens de la radio et de ses moquettes grises, je m'en souviens comme de mes chambres d'enfant. Qui a vraiment envie d'aller frapper chez les nouveaux propriétaires ? La nostalgie, c'est la conscience et l'acceptation d'une spoliation, celle du temps. Mais alors, est-ce qu'on dit le ou la Covid ? Bah, le fait même que la question se pose, mollement, après tous ces mois, dit peut-être simplement que ce mot, on refuse de l'habiter, on n'arrive pas à lui donner vraiment ce qu'il réclame, un peu de notre temps précieux. La solution, linguistiquement superbe, sanitairement affreuse, et pourtant, devant nous, ce n'est pas là où le Covid, ce sont les années Covid. Je suis bien d'accord avec vous Aurélien, merci beaucoup pour votre chronique, elle est à réécouter sur le site de France Culture, et bien à la page de votre chronique. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon Delasselle, Jules Barbier, Laure Blanqui, Anaïs Isbert et Laurence Malonda à la réalisation. Elsa Le Poivre à la lecture des textes avec à la prise de son aujourd'hui Clément Daté. Une grande pensée de la part de toute l'équipe des Chemins pour Adèle Vendrette et sa famille. On espère te retrouver très vite. Rendez-vous demain pour la suite de notre semaine autour du corps féminin. Demain, nous serons en compagnie de Camille Froidevaux-Métry pour une phénoménologie des seins. Rendez-vous aussi sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur la très belle nouvelle appli de Radio France pour écouter toutes nos émissions. Et puis bien sûr, il reste les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, pour nous laisser tous vos commentaires et toutes vos questions ou suggestions de semaine à venir. Il en arrive bientôt à la fin des Chemins de la Philosophie. À midi, vous retrouverez Olivia Jesbert pour sa grande table. Mais il est 11h et 11h, c'est l'heure de Culture Monde.